vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Rica Bracaïdé. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Solari de BH. Voilà, j'avais oublié le F. Bonjour Bruno. Bonjour. Il est venu accompagner d'Ingrid qui est concurrente pour un concours. On nous en dira un peu plus tout à l'heure. Bonjour. Voilà, il y a Jean-Paul, autre qu'on connaît très bien, qui est le chef d'orchestre, on peut dire, peut-être un peu de tous ces secrétaire. Concours. Il fait tout. Oui, il fait tout. Tout il fait tout. Il est partout. Il y a Josie. Bonjour Josie. Ouais, la coéquipière qui est toujours là avec l'équipe nous hommes. Voilà. Bonjour Gilles. Bonjour tout le monde. Et Alain qui nous parlera d'un livre comme d'habitude. Bonjour. Il nous a pas dit lequel, c'est la surprise. Eh oui. Voilà, donc moi je vais vous dire, on a deux places à gagner au Break. Donc le Break, c'est un restaurant métissé créole. Voilà, vous nous donnez votre nom, votre numéro de téléphone. Alors, ou au 04 88 50 18 21, 04 88 50 18 21, ou alors sur notre page Facebook. Et voilà, je téléphonerai à la dame qui vous attendra avec plaisir. Voilà, on fait une petite pause et on reprend tout à l'heure avec Bruno, Ingrid, Jean-Paul. À tout à l'heure. About your money or your fancy car. Some people call me bunny. I can shoot you like a saw. Sweet like honey, stick it like gum. Chew you like a cannibal, wet, wet rum. Chew you like a cannibal, wet, wet rum. Chew you like a cannibal, wet, wet rum. Chew you like a cannibal, wet, wet rum. Leave you hollow. Where I go, you follow. So you better act right. My love is bittersweet, but I can show you heaven. But first get on your knees, close your eyes and count to seven. I don't care if you're a peasant or a king. If you want me, then you're everything. You too smart for utter drama. Can fix my heart with all your commas. You drive so fast, don't care. Avec Ingrid, qui c'est qui veut prendre la parole et nous expliquer je crois un peu que Bruno va nous raconter voilà. Son parcours, ça m'intéresse beaucoup. Alors comme tu m'as dit, je suis partie de rien et je suis arrivée où je suis. Alors, oui, raconte-nous. Donc en 1990. Oui, dans les années 90, je fus repérée en Haute-Vienne par Nicole Diakaté, qui avait une association et divers concours de beauté sur la région Limousin. Et cette dame m'a dit, ben viens, et si tu réussis à maquiller 10 personnes, eh bien je te prends dans mon comité. J'étais à l'époque, je passais une formation pour devenir maquilleur. Mais je l'ai fait, j'ai réussi mon pari, et de là, Elle m'a fait rentrer dans son comité comme maquilleur et après assistant chorégraphe, puisque je sais marcher sur des talons grâce à différentes personnes que j'ai rencontrées, dont un célèbre couturier qui aussi je dois tout. De là, j'ai gravi pas mal d'échelons dans le monde des Miss, puisque j'ai participé à un casting qui m'a fait arriver sur la grosse machinerie où je fus un des premiers maquilleurs de Miss France. La fameuse Miss France, la nôtre, avec Madame de Fontenay. Voilà, c'est ça. Et à la session de Madame de Fontenay, je suis arrivée en PACA, pardon, et j'ai rencontré Hervé Jacquet, le futur président de BHF Event, et nous avons monté ensemble BHF Event. Année ? En 2010, où on a fait notre premier défilé, où il a rencontré un peu ce milieu-là, où j'ai fait venir Laura Tanguy, Geneviève de Fontenay, sur un défilé. D'abord, ce fut le Téléthon à Mazan. Ensuite, l'élection à Malemort-du-Comtat avec Geneviève de Fontenay. Et ensuite, j'ai toujours un peu gravi, puisque je suis allée, BHF et moi, on a un petit peu fait notre niveau au niveau des Miss, du monde des Miss et des Misters, où j'ai eu la chance d'avoir plusieurs organisations, dont de célèbres comme Miss Euro-Région, tenue par Monsieur Pasbeck, et Mister France, qui resteront malgré tout de belles aventures avant d'arriver à la consécration que je connais aujourd'hui, d'être le propriétaire de Miss Élégance Dom-Tom France Beauty Pageant et d'avoir été repéré par des concours internationaux. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est difficile d'émerger dans ce monde, parce oui. que c'est un monde, c'est un peu spécial. Oui, c'est très difficile, dans la mesure où moi, il y a 2 ans, si je n'avais pas eu Jean-Paul si j'avais pas eu Hervé et si j'avais pas eu des amis, aujourd'hui je serais pas là, je serais passé sous un train et j'ai pas peur de le dire. C'est très dur. C'est un monde dessus une jungle. Moi, c'est une passion. Oui, donc j'ai la passion. Moi, c'est une passion. Oui. Je n'ai pas l'intention. J'aimerais bien en vivre, mais je n'en vis pas. Mais sur une passion, effectivement, c'est une passion très destructrice, puisqu'il y a des gens qui savent très bien manœuvrer et savent détruire une image. Et moi, on s'est amusé à me salir. On s'est amusé à me salir, à pourrir la vie carrément. Et à me pourrir la vie. On va faire une pause et on continue tout à l'heure. À tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Get on it. You're so delicious, wanna take out. revenu sur Fly FM 89.9 avec Brica Bracaïné et Bruno. Avant de continuer, je voulais vous dire qu'on a deux séances d'hypnose à faire gagner avec Fred Masseur. Alors si ça vous intéresse, vous téléphonez au numéro le nôtre, 04 88 50 18 21, c'est notre standard. 04 88 50 18 21 sur notre page Facebook. Voilà. Deux séances d'hypnose pour c'est en thérapie, c'est si vous voulez arrêter de le tabac. En plus, il est très très gentil. Ah oui, ouais, oui. On l'a reçu, il est sympa. Bon, justement, on s'est arrêté là, mais je voulais, moi, je suis curieuse de savoir comment on fait pour déposer une marque, parce que moi, je veux dire, tiens, je vais faire un concours. Est-ce que c'est compliqué? On continue sur ce que je disais. Donc, si j'avais pas eu Jean-Paul, eh bien, et des amis, je serais pas là. Et après, effectivement, après, Hervé, Jean-Paul, nous avons décidé de protéger et nous. Et notre association. Donc nous avons déposé les différents concours dont nous sommes les propriétaires. Donc Miss Planète France et Miss Élégance Dom Tom France Beauty Pageant. Et comment il faut faire là pour se protéger? Eh bien, très simple. Il existe une institut qui s'appelle sur le territoire français l'INPI. Merci Jean-Paul. Et il suffit de les contacter. Et ça, c'est une marque qui est protégée. Donc ça y est, nos marques sont protégées et nous pouvons faire. C'est pas parce que nous avons une marque forcément nous gagnons des sous, bien sûr. Mais les concours sont protégés. Et qu'est-ce qu'on peut pas faire? Par exemple, tout à l'heure on nous dit on peut pas prendre le nom d'un département. Après, il faut savoir, il faut être bien être encadré, bien être conseillé et faire des concours de beauté, c'est donné à tout le monde. Maintenant, le faire vivre et le faire vivre correctement. Le faire bien, oui. Le faire vivre correctement, ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est usant, c'est passionnant, c'est... voilà, c'est prenant, mais ça demande de la pugnacité, ça demande du les jeunes hommes ou les jeunes filles qui sont là ou les dames, c'est pas des leur titre, c'est pas il faut pas le mettre dans un placard et le sortir pour la finale parce que ça tout le monde est capable de le faire. Mais maintenant, trouver des sorties, trouver des choses à faire, les mettre en avant, faire parler du comité, c'est du travail sur toute l'année. C'est du travail à longue échelle. Alors, par exemple, vous prenez une jeune fille ou un jeune homme de 17 ans, je crois que c'est 17 ans, là. Alors, entre 16 ans et... entre 17 ans et, pour moi, c'est, oui, 17 ans et sur dérogation des parents, puisque c'est des mineurs, jusqu'à... l'âge d'Ingrid. On dira pas son âge, juste un joli comme un cœur. Mais c'est des personnes qui n'ont jamais fait de manucure. Voilà. Comment tu les sélectionnes, C'est-à-dire, tu les repères dans la rue Soit on fait un casting sauvage, c'est sur la rue, dans la rue. Soit on fait un casting, on organise un casting et Jean-Paul va en parler puisqu'il a un casting, il monte à Paris le 29 avril pour un casting. Ou alors sur Facebook. D'accord. Les réseaux sociaux. On va faire une pause et après on parlera casting. Allez. Jean-Paul. À tout à Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Coulée dans l'asphalte, une fourmilière de béton. 89.9 avec Bruno, Ingrid et Jean-Paul. On était resté sur la sélection des Miss. Je crois que Jean-Paul, tu montes à Paris le 29 avril pour faire un casting. Explique un peu comment ça marche, comment tu fais. Alors oui, tout à fait. Donc l'annonce est déjà diffusée depuis 2 mois. Par quel biais vous faites l'annonce? En fait, j'ai un délégué sur la région parisienne qui s'occupe de diffuser dans sa région. D'accord. Directement. Donc là, ce sera pour la Miss Île-de-France. Ainsi que la Miss Paris. Voilà, donc tout ça est prévu. En fait, le casting se prépare pour des filles de 1m65 minimum, en taille de confection, on va dire 36-38. Donc elles ne sont pas anorexiques. Elles ne sont pas anorexiques, non, du tout. D'ailleurs, ouais. On privilégie justement le côté naturel des filles. Donc on évite qu'elles soient maquillées à outrance. Ouais, quand elles sont jeunes, oui. Voilà. Ensuite, c'est nous-mêmes qui les habillons, donc voilà, on choisit nous-mêmes les tenues qu'elles porteront. D'accord. Donc elles vont faire le casting et ça les débouche sur quoi? Donc vous les choisissez, On les choisit et ensuite les primés, on va dire, ont la possibilité de sortir toute l'année. Au départ dans la région parisienne et ensuite nous les ferons descendre dans le sud parce qu'elles ont le droit quand même de participer aux festivités nationales, on va dire. D'accord. Bon. Et pareil chez moi. Et pareil, oui, voilà. D'accord. Parce qu'en fait, nos concours sont déposés au niveau national. National, voilà. C'est pas régional. C'est pas que régional, c'est vraiment national. Et vous allez qu'à Paris ou vous allez un peu partout? Moi, j'ai... Alors... On fait Paris, on fait Cannes, on fait Nice. On est allé jusqu'à Monaco l'année dernière, d'ailleurs, pour un défilé. Est-ce que vous allez encore au Festival de Cannes cette année? Oui, on y revient, mais je rebondis sur... nous allons aussi en Martinique, puisque cette année, Ingrid va remettre l'écharpe à Dame Élégance Martinique, puisque moi aussi j'ai un délégué. Et Océane, dont on parlera tout à l'heure, et Aurélien auront le plaisir de m'accompagner également sur l'île de la Réunion pour remettre l'écharpe à Mister Réunion et Miss Réunion. Est-ce qu'il y a des batailles? Parce que moi, j'ai vu des fois des trucs, moi, je suis Miss Machin, mais est-ce qu'il y a des batailles entre les oui, différents concours? Oui, mais c'est gentillé. Ben, je sais pas, moi... Entre eux. Voilà. Il y a de la compétition, oui. Bah, là, on arrive à la. Il y a de la compétition. C'est alors. Ce sont des personnes qui n'ont jamais rien fait dans le monde du mannequinat, dans le monde des modèles, dans le monde de la photographie. Ça s'apprend. Qui ont peu fait de choses et qui voient qu'au cours de l'année, eh ben, ils ont une petite... Alors, on ne dit pas qu'on... notoriété. On ne dit pas qu'on est Miss France ou Mister France. Ou là, c'est le summum de la notoriété. Mais on a une petite notoriété quand même. Et ça leur procure une sensation qui est assez bizarre. De bien-être. Ça peut monter au cerveau et devenir et de se prendre pour, moi je sais pas, une star de la photo. Enfin bref, ça peut exploser vite. Alors oui, c'est le risque de la passion. Il faut savoir gérer avec. Et à l'heure actuelle, on connaît ce phénomène qui est récurrent, on va dire. D'accord. Je crois qu'on fait une petite pause. D'accord. On fait une petite pause et on reprend avec Ingrid. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. C'est une histoire comme une autre. Je m'y perds comme par hasard. Si je tombe, c'est pas ma faute. Il faut bien que je reparte. Et je sais finalement qu'il y aura des tourments. J'y pense évidemment. Et puis ça recommence. Finalement, je dors. 9.9 avec nos trois invités. Et tout à l'heure, Jean-Paul nous expliquait qu'il allait donc faire à Paris le 29 avril un casting. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Miss Élégance Dame. Dame Élégance France 2017 qui s'appelle Ingrid. Ingrid, pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivée là? Comment vous avez été recrutée? En fait, ça a été vraiment un pur hasard. J'étais une personne qui avait peur de son image, qui voilà, donc par l'intermédiaire d'un photographe qui a mis quand même plusieurs mois à me convaincre. Parle bien devant le micro. Pardon. À faire donc un shooting. Donc je me suis lancée et ces photos ont été très très bien accueillies. Et suite à ces photos-là, c'est Bruno Solari, ici présent, qui donc m'a remarqué, qui a remarqué mes photos et m'a proposé donc. Une élection de Dame Élégance PACA. Eh ben c'est bien. Voilà. Donc bon, moi j'ai accepté, si vous voulez, pour m'amuser en fait. Voilà, je me suis pas prise au sérieux et je me prends pas toujours pas au sérieux. Je veux dire, pour moi c'est une bonne expérience. Je rencontre beaucoup de gens intéressants, on voyage beaucoup. Et donc, suite à cette élection-là, nous avons donc fait d'autres élections, comme j'ai été donc Dame Élégance Côte d'Azur 2016, et donc sélectionnée pour la finale en décembre, donc le 10 décembre, et j'ai été élue donc dame, première Dame Élégance France 2017. Une belle surprise. Et maintenant, je suis dans candidate pour le concours Miss Universe Pulp. Qui va se passer quand? Alors en fait, c'est différent. On est noté sur donc notre image, notre communication, ce que nous faisons au niveau pour faire connaître aussi ce concours international. Et ce sont des jurys internationaux qui nous jugent sur nos activités, sur notre... voilà. Donc aussi, nous sommes notés aussi sur les sur notre éducation, parce que nous avons des tests de... Nous avons des tests d'écriture, bien sûr. Et chaque mois, nous avons donc un classement. Actuellement, donc, nous sommes 62, je suis 6e. Ah ben c'est bien. Voilà. Et après, ça risque d'évoluer? Oui. Alors il faut, moi j'appelle à aller sur sa page et à partager et à dire à monsieur José Breton que tout est possible et si vous voulez le doublé historique, donc ça ne se serait jamais vu en France dans des concours de beauté, il faut voter Ingrid pour qu'elle soit Miss Univers. Il faut aller sur sa page. Oui. Et j'ai partager. Une page, oui. Effectivement, oui. Alors Tintin, je la partage sur Facebook régulièrement. Oui. J'ai mis aussi des diaporamas sur YouTube. Voilà. En tant que candidate, donc à chaque sortie, nous parlons aussi de ce concours-là, pour le faire connaître internationalement aussi, du moins au niveau Europe, voilà. Et donc, en parlant d'international, je pense que vous avez deux voyages qui sont prévus bientôt, c'est Martinique et La Réunion. Alors moi c'est la Martinique, oui, voilà, plus le Festival de Cannes à la fin du mois de mai. La chance. Oui, monter des marches, donc pareil, il y a la télé, il y a pas mal de médias, photographes aussi, il y a des défilés de prévus. Je suis allée donc l'année dernière en tant que dame élégance Côte d'Azur, c'était déjà une belle aventure, et puis cette année, on a encore de belles surprises qui nous attendent. Dont 2 heures d'interview après la Palme d'Og, voilà. Voilà, donc beaucoup d'interviews, défilés, et puis bon, les fameuses marches, c'est vrai que c'est particulier, c'est un peu magique. Ah, il y a une ambiance, c'est moi, j'ai fait les 3 fois. Oui. Beaucoup assez de, impressionnant, beaucoup oui. Beaucoup de monde, et en plus, on est très bien accueillis, en fait. L'ambiance est vraiment particulière. Voilà, les gens, certains endroits, on peut être jugé. Bon, les gens, ils ont une certaine image un peu négative, donc, de la Miss ou de la Dame, voilà. Qui a rien dans la tête. Et, voilà, exactement. Mmh. Et en fait, non, ça a beaucoup évolué. Bruno vous a peut-être pas dit, ou Jean-Paul, il y a quand même des tests de culture générale. Mmh. Une Miss doit savoir parler correctement, savoir s'exprimer, écrire correctement. Nous faisons quand même beaucoup tenue, de galas, voilà. Une tenue aussi, et gestuelle aussi. Donc, vu nos sorties, nous faisons des sorties toutes les semaines. Donc, une Miss qui ne sait pas parler correctement et pas présenter, bien sûr, il n'y a aucun intérêt. Donnerait une mauvaise image. Voilà, on va faire une petite pause, on reprend tout à l'heure. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Stars. Never waited for my love. Now you've gone, lost it all. Baby, when you're ready, and it's unbreaking your heart. When the bottle's empty, and you tasted every drink at the bar. Running out of real life, feeling like you're on your last try. I'm not there to fill up your cup. I know that you'll be coming back. VIP pass, backstage, all access. You traded all for love, and now you've gone, we've lost it all. Baby, when you're in, and it's unbreaking your heart. When the bottle's empty, and you tasted every drink at the bar. Running out of real life, feeling like you're on your last try. I'm not there to fill up your cup. I know that you'll be coming back. I'm not the one who's running out of time. parole pour qu'on dise. Ah non, on était sur Ingrid. Non, on a fini là. Maintenant, on va. Parce qu'on va finir avec Bruno. Il va nous dire les son actualité dans l'avenir. Alors, notre actualité dans l'avenir, j'ai une Miss Élégance donc Océane qui est repérée pour représenter la France dans un concours international. Nous avons la chance, donc Corélien Cos que vous avez reçu et Mister Élégance France. Et donc, lui aussi s'en va dans un concours international accompagné, si je ne me trompe, de la Miss Planète 2016 dans ce concours. Au mois de novembre. Elle s'appelle Cindy. Ah, il me semblait que c'était Cindy. On a également, moi dans ma catégorie reine, donc les jeunes filles de 25 ans et jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans. Donc on a la chance d'avoir une représentante française qui s'appelle Angélique. Les nouveautés, tout au long de l'année, Cannes, des galas au refuge le 18 mai. Où vous êtes bien sûr invité et venir où là vous aurez aussi tous les représentants de l'équipe ainsi que des surprises. D'accord. Et l'actualité de Ingrid, la réunion, je crois. Non, c'est la Martinique. La Martinique. Voilà, pour Dame Élégance Martinique. D'accord. La réunion, c'est pour le Mister et la Miss. D'accord. Pour les plus jeunes. Et Jean-Paul, son actualité. Donc moi, c'est ce samedi 22 avril, donc à L'Oriole du Comtat, j'ai la finale nationale de Miss Planète France. Miss Planète France, c'est au Maélia ? À la salle Maélia, oui. Et voilà. Mon actualité, moi je suis donc également dans un concours où je suis représentant français, l'homme le plus âgé de France et le plus beau puisque je suis gentleman France et humanité puisque j'ai défendu au cours de cette soirée le refuge dont je suis parrain sur le 84, le Vaucluse. Voilà. Parce que vous, quand même vous parrainez des bonnes causes. Oui, je pense qu'il y a plusieurs bonnes causes, Ingrid. Oui, mais il y a le cancer aussi. Ouais. Oui. Il y a la mucoviscidose, il y a la LGBT, les LGBT. C'est quoi les LGBT? La LGBT, c'est Association de gays et lesbiens. Il y a dont le parrain sur le PACA, c'est Aurélien. D'accord. Donc voilà. Bon. Je voulais revenir juste une question, oui. Jean-Paul, à L'Oriole, ce 22 là, avril, c'est à quelle heure? À partir de 19h30 à l'entrée du public. D'accord. Il y a un repas Le spectacle. Non, il n'y a pas de repas. Il y aura des boissons vendues sur place. Donc le spectacle commence à 20h30 avec le trompettiste Noël Baudouin. Voilà, je cherchais son nom. Voilà. Et normalement 21h le début du défilé. Voilà. Bah, c'est une élection, il ne le dit pas, mais c'est une élection finale. C'est la finale nationale. D'accord. Bon, on fait une petite pause, on se retrouve. Et on continue. Un film et un livre. Allez. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Away, get away, you're such a freak. It's what people say to me. Different, too different, I'm scared. Drowning. stuck behind my bike, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still sur Fly FM, pardon, 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac à idées. Alain va nous parler d'un livre qu'il a lu récemment. Alors, je vais vous présenter Jeu de miroir de Skirovici. C'est aux éditions Les Escales. Alors, c'est un roman qui fait l'événement de 2017. Un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un extrait d'un manuscrit intitulé Jeu de miroir, dont l'auteur, un certain Richard Flynn, explique s'être inspiré d'un drame réel et non élucidé survenu 30 ans auparavant. Il s'agit de l'assassinat du professeur Vider, un éminent spécialiste de psychologie cognitive sur le campus de Princeton. Intrigué, Peter se retrouve dans une impasse lorsqu'il apprend que Richard Flynn est récemment décédé et qu'on ne trouve aucune trace du reste du manuscrit. Il décide alors d'engager un ancien journaliste, John Keller, écrivain en manque de succès, pour remonter la piste de cette vieille affaire et pourquoi pas réécrire les parties manquantes. John Keller entreprend de retrouver les éventuels témoins encore vivants de l'époque et débute alors un véritable challenge consistant à reconstituer la vérité à partir de témoignages à la fois ressemblants et divergents et entraînant le lecteur à sa suite. Qui dit la vérité ? Le professeur Vider travaillait lui-même sur les mécanismes cognitifs et la façon de les manipuler en ôtant ou en ajoutant, voire en modifiant les souvenirs collectés à ces sujets d'études. Comment être sûr que les souvenirs sont auprès des témoins n'ont pas été influencés par le professeur? Est-ce qu'ils sont imaginaires ou en quelque sorte provoqués? Alors, pourquoi jeu de miroir? Parce que quand on se regarde dans un miroir ou dans un nombre impair de miroirs, l'image qu'on a, c'est l'image inversée de la réalité. Et si c'est un nombre pair, à ce moment-là, c'est l'image réelle. Donc, en jouant sur les individus, les souvenirs peuvent être totalement fabriqués et on ne se souvient pas. J'avais, par exemple, comment, quand on vous demande quel est votre plus vieux souvenir d'enfant, c'est souvent des souvenirs qu'on vous a racontés. Et à ce moment-là, ce sont les souvenirs des autres, ce ne sont pas vos propres souvenirs. Donc, c'est très difficile de reconstituer. C'est passionnant comme tout, à lire. Il est nouveau ? Alors, c'est un nouveau ? Oui, ça c'est sorti il y a un mois ou deux, c'est d'accord, tout. D'accord, oui, il est vraiment et récent. C'est un gros livre ? Non, environ entre 280 pages. C'est pas énorme. Moi, j'aime quand ils sont... Alors, Jeu de miroir, ça s'appelle, de Skirovici. D'accord. Tu nous emmènes au cinéma ? Oui, Claudie, je t'emmène au cinéma. Si je te dis Grand Bleu avec une chaussure noire, ça te parle ? Pierre Richard. De 1972. C'est Profil, non ? C'est pas Profil ? Non, un profil pour deux. Profil qui était presque. C'est un film qui dure 1h40, de Stéphane Rebelin avec Pierre Richard, Yanis Lesper, qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça, et Fanny Valette. Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il découvre les joies d'Internet grâce à Alex, une nouvelle façon de se rencontrer, entre guillemets. Un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées qui, des fois, l'informatique, ça leur fait un peu peur. Même des jeunes, c'est vrai, Jean-Paul. Donc, sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora 63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, bien évidemment, Pierre, il revit. Mais sur son profil... À Alex, il a mis une photo d'Alex pour paraître le plus jeune et non la sienne. Et là, il doit convaincre le jeune homme de rencontrer Flora. Il est à sa place. À sa place. Donc, c'est pour réchauffer un peu le cœur, ce début de printemps, en plus, là, aujourd'hui, qui fait du Mistral. On retrouve donc effectivement Pierre Richard qui sort de son registre de gaffeur professionnel et qui est plein de tendresse, d'un retraité cloîtré depuis la disparition de sa femme, de sa vie. Et effectivement, c'est ça qui a intéressé Pierre Richard, où il change, on n'a pas le même rôle. Et il dit d'ailleurs de ce rôle qui c'est un vieux ronchon déconnecté qui va se transformer en homme de nouveau, transformé par le désir, la vie, la gaieté et l'envie d'aventure. Et cela grâce à un gamin d'à peine 30 ans et une petite machine nommée ordinateur. Tu vois, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras. On est vieux que dans sa tête. Voilà. Non ? Alors moi, j'ai le temps de vous parler du 21e Festival Brassens à Vaison-la-Romaine. C'est 10 jours d'hommage aux chanteurs-poètes. C'est l'événement du printemps de Vaison. Des concerts en soirée l'après-midi. Ça se passe du 22 avril au 1er mai. Avec André Chiron, Georges Chelon, Nicolas Perrac, au programme Exposition Georges Brassens, atelier d'initiation. Depuis sa création, l'objectif est de perpétuer l'œuvre de Georges Brassens tout en défendant efficacement la chanson française. Voilà, il va y avoir des Alain Leprest, Bernard Joyer, Philippe Forcioli, Raymond Gary, Jean-Michel Piton, etc., etc. Et ça se passe dans le cadre unique du village de vacances Tourista de Vaison-la-Romaine. Eh bien, Claudie, ça fait beau monde tout ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse une petite pause et on dit la suite. Une grande manifestation. Du 22 avril. Du 22 au 1er mai. Au 1er mai. Oui, voilà. Merci, l'équipe. À tout à l'heure. À tout à l'heure. IFM, on était sur les sorties, nous avons parlé d'un livre, nous avons parlé d'un film. Claudie, je crois que tu as des plantes. Tu veux pas nous parler? Non, je l'ai pas, moi, les plantes, c'est toi qui les as. Ah, alors écoutez, on avait déjà reçu le directeur de Napturoptère, répète-moi le nom. Napturoptère, oui. Donc, c'est ça, de Sérignan du Comtat. Mmh. Il faut savoir qu'en partenariat avec le jardin J.H. Fabre, c'est ça, hein, L'Armas, oui. L'Armas, voilà. Vous avez ce samedi 29 et dimanche 30 avril, de 9h à 18h, des activités proposées. Vous avez pour 6 euros, c'est le tarif un jour, 8 euros deux jours, c'est gratuit pour le moins de 15 ans. Dans ces prix-là sont compris le parking, la lavette, la consigne, les brouettes. Et là, vous avez des projections cinématographiques, des expositions et des ventes de mobilier, d'accessoires et d'objets déco artisanaux, des pépiniéristes collectionneurs avec une large gamme de plantes, 4 jardins éphémères imaginés, des balades guidées, 15 sorties botaniques. Et qui vous permettront de partir à la découverte de salades sauvages, d'observer les animaux, les oiseaux du jardin, de comprendre les paysages familiers. Et toutes ces informations sont plus développées sur www.plantes-rares.com, tout en minuscule. Voilà, mais c'est pas ce week-end, c'est l'autre d'après. 29 et 30 avril. Oui, mais là, c'est le 23. Mais je le dis un peu en avance. Oui, mais tu as raison. Comme ça, les parce gens, que les gens, se projettent. C'est une belle manifestation. Comme on est dans les plantes, moi, je vais vous parler de Bédouin. C'est le retour du marché paysan et celui du marché aux fleurs. Alors, le marché paysan et le marché aux fleurs de Bédouin sont de retour. Donc, ce n'est pas toute l'année. C'est tous les samedis, de 17h, le marché paysan, de 17h30 à 19h30. Du 1er avril au 30 septembre. Ça se passe place de la République et pour la troisième année consécutive, on y retrouve des petits producteurs de proximité avec une offre variée de bons produits de saison. Et le marché aux fleurs va avoir lieu le samedi 22 avril de 9h du matin à 19h. Bon, je pense que c'est le moment, hein, on aime planter, on est déjà allé au marché aux fleurs de Bédouin, de Baume de Venise. Là, on va à Bédouin. D'abord, c'est un joli coin. Alors, ça se passe place des Frères Provannes. C'est la troisième édition. Voilà, avec plantes fleuries, plantes aromatiques, essences méditerranéennes, voilà. À midi, le verre de l'amitié vous sera offert par la municipalité. Et à 16h, le marché paysan rejoindra pour l'occasion le marché aux fleurs. Oh bah, tout ça, c'est dans les fleurs, hein, souvent. Voilà, on est dans les fleurs. Est-ce que vous voulez un spectacle pour les enfants? Alors, ça se passe en Avignon, c'est au Théâtre des Vents. C'est du lundi 17 au samedi 22. Alors, c'est ou à 10h30 ou à 14h30. Donc, pour les vacances de printemps, ce théâtre nous propose des spectacles pour les enfants dès 4 ans. À ne rater sous aucun prétexte, c'est la compagnie Caravan. Alors, ça s'écrit Car, une apostrophe avant, A-V-A-N. Donc, du 17 au 22. Alors, il y a Max et Louise, il y a Le Petit Roi, il y a L'Île aux Sorcières. Le 21 avril à 20h30, il y a Les Trois Pitons, spectacle tout public à partir de 12 ans, adapté de Contes des Caraïbes. Le tarif, vous, c'est 6 euros pour les tout-petits, et pour ceux de 12 ans, c'est 12 euros. Ça se passe au Théâtre des Vents, 63 rue Guillaume Puy. Donc, si vous voulez un peu plus de renseignements pour les horaires, pour tout ça, vous allez sur leur site. C'est très bien. Ou sur Billets Réduc, ou des trucs comme ça, ou spectacle. Voilà, moi je cherche toujours comme ça. Voilà, je crois qu'on fait une pause. Je peux juste dire un truc, puisque ce sera sur la continuité, c'est très court. Puisqu'on est dans les enfants, ce mercredi 26 avril, qui va arriver, hein, à 15h30, vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque de Sarian. C'est bien. Il y a un atelier à la manière d'Albertine. Et le téléphone de la bibliothèque, on m'a dit qu'il ne faut pas donner de téléphone, mais là quand même, oui. 04 90 65 47 06. Et vous allez expérimenter la technique d'illustration du papier découpé dans un espace en 3 dimensions. Ils prendront des photos de leur œuvre, ces petits-enfants, et écriront une marelle gigantesque. C'est partir de 8 ans. C'est sympa, oui. Albertine, c'était la peintre un peu... Naïve. Voilà, naïve. Voilà. Bon, on fait une pause. À tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Colonne de fumée filtrait quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin, les pyramides, le cours de mer tranquille. Des colonnes de fumée filtrent quelques lueurs. N'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, toujours, toujours, au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, mais tranquille. Et aujourd'hui encore, nos balances qui passent savent nous montrer la voie de nos luttes. Aujourd'hui encore, nos balances qu'ils passent savent nous laisser quelques traces de lutte. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Au loin, les pyramides, le cours de nos tranquilles. Le cours de nos tranquilles. Au loin les pyramides, le cours de nos sur 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et nous allons quitter nos amis, nous allons quitter Jean-Paul. Jean-Paul, à bientôt. À une prochaine alors. Voilà, bien sûr, pas de avec problème. La nouvelle miss, alors. Bien sûr, pas de souci. Ingrid, à bientôt. Oui, merci d'avoir reçu. Bonne chance surtout, hein, on croise les doigts. On verra bien, on a les résultats normalement le 6 mai. D'accord, le 6 mai, c'est bientôt, hein. Oui. Ouh, je vais suivre ça. Et Bruno, alors avant de se quitter, est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident? Oui, on a des partenaires et qui sont devenus des amis. Donc on a les parures, couleurs Sud de France. On a Addict Fashion, la boutique à Carpentras. On a également nos meilleurs amis, donc France Mode, une boutique de grossistes à Marseille. On a également des partenaires de toujours. Donc on a Alien Mikanda à Orly et on a Nicole Diacaté sur Limoges, des délégués. D'accord. Joseph Méréon sur Je m'excuse, on est obligé de se quitter la semaine prochaine. Où on a le sel, où on a les costumes contenex, on ne sait pas, ça sera la surprise. Donc au revoir à tous. Merci. Et à même. Merci à vous. Merci. Au revoir.